Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 662. Et aujourd'hui, c'est un spécial 100% live Fab Four. C'est-à-dire qu'on va écouter les Beatles en live et les Fab Four, John, Paul, Ringo, George, après la séparation. Ça va être bien, ça dure, il y a 28 titres de programmés, ça dure 2 heures. Nous imaginons bien sûr que nous sommes dans un monde parallèle dans lequel les quatre sont en vie, et y compris des invités, parce qu'il y aura des invités ce soir, et je ne sais pas si tous sont en vie. Ah oui, non, pas tous. Ils sont pas tous en vie dans l'univers 660, je sais plus combien, dans lequel nous sommes. Bref, on imagine que les quatre sont à Bordeaux, au stade bordelais, et on va se faire plaisir ce soir parce que c'est à nouveau un concert live qui est plutôt intéressant, j'espère, d'après ce que eux m'ont dit. Donc je vous propose de nous retrouver sur le groupe Facebook, la saga des Fab Four, dans la rubrique de l'album d'aujourd'hui, qui est marqué saga 662, live, 100% live, et on va en profiter tous ensemble jusqu'à 22h. Voilà, je me retrouve dans la loge VIP au stade de Bordelais. Tout se passe bien, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Le stade est plein, ça a été annoncé juste hier, et pourtant le stade est plein. Les Beatles, 80 et quelques d'âge chacun, donc des octogénaires, et pourtant vous allez juger qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment la forme. On va commencer dans une demi-seconde, et je pense que vous attendrez avec impatience le playback, le podcast, de façon à pouvoir réécouter ce concert qui s'annonce être très, très, très bien. Attention, la salle s'est éteinte. Enfin, c'est pas la salle, c'est le stade, mais les lumières se sont éteintes. Et ça va commencer. Showtime! Okay, here we go. Right, let's go. Les lumières s'allument. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. On va remercier Ed Sullivan qui a eu la gentillesse de présenter les Beatles. Take my love away from me, oh now. Some of the guy now, I'm taking my way, my sweetness, I hold now. for the benefit of everyone. Franchement, dans les Beatles première génération, avant même qu'ils soient connus au niveau mondial, avant 1962, c'est plutôt très sympa. Et ils ne se sont pas encore présentés parce que les chansons sont rapides. On va voir dans quelques secondes, je suppose. Bonsoir la France. Ah bah tiens, je ne savais pas qu'il allait le dire. On continue ou pas? Oui, Roll Over Beethoven sur RIG. Tout à l'heure, c'était Some Other Guy et The Hippie Hippie Shake. Là, en principe, c'est George Harrison qui s'y colle. La radio des Beatles. Don't you let your dog bite me.

I would have made this one. My head was in a whirl. Only then I realized I lost my little girl. I said. Thank you, thank you. We never did it because of that line, her hair wouldn't always curl. Couldn't handle that line. Still, there you go. Okay. Nous avons eu le plaisir d'écouter, après Some Other Guy, The Hippie Hippie Shake, il y a eu Roll Over Beethoven, I'm in Love Again, San Francisco Bay Blues, et à l'instant, I Lost My Little Girl, dans laquelle il dit Let me tell you about the story of my first song, ou un truc comme ça. Et donc, il raconte, ça il a dû le rajouter, c'est sa première chanson qu'il a écrite quand il avait 14 ans, et il dit, ses cheveux n'étaient pas toujours bouclés et qu'il aimait pas du tout ce verre-là, mais il savait pas trop comment s'en sortir. Eh, 14 ans quand même, hein. Il avait de l'avenir, le gars. La preuve. Bien. Ben, la suite, c'est maintenant sur RIG. On fait un concert virtuel des Beatles au stade Bordelais et c'est la radio RIG qui a obtenu les droits. Tant mieux. C'est la saga des Fab Four numéro 662. Okay, so tonight we got some old songs for you, with some new songs, and some in-between songs. Premier invité, Monsieur Jeff Lynne sur RG. C'est I Want to Tell You en live. I want to tell you my head is filled with things to say. When you're here, all those words they seem espérer celle-là. While My Guitar Gently Weeps, et à la guitare, il y a aussi Eric Clapton. I look at you. Clapton, Psycho, guitar. Hey. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. Well, you know I'm leaving now. Mm-hmm. Mm-hmm. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in a style that shows me I don't want to leave her now. Well, you know I'm leaving now. Ooh, ooh, ooh. Well, you're asking me who my love grows. I don't know. Stick around now, it may show, but I don't know, I don't après Jeff Lynne qui a chanté I Want to Tell You, après Eric Clapton qui a chanté While My Guitar Gently Weeps avec George Harrison, bien entendu. Enfin, c'est, il était à la guitare, Eric Clapton, c'est ce que je voulais dire. Nous avons eu une version très sympa de Something, chanté d'abord par Paul McCartney et puis joint par Eric Clapton. Et faut avouer que les deux vont ensemble se marier aussi, se marient très très bien. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio rock and roll, c'est la radio des Beatles le mercredi entre 20h et 22h. Et ce soir, pour la 662e édition de la saga, nous vous proposons une édition live, un concert fait à Bordeaux par Paul, John, Ringo et George, tous vivants dans cet univers-là. Et pendant 2 heures, nous vous proposons des chansons dont je n'ai pas la playlist, je découvre en même temps que vous. Alors ça, ça ressemble beaucoup à Isn't It a Pity. Je pense que c'est George Harrison qui va chanter. Continuez à commenter sur Facebook le groupe La Saga des Fab Four. Isn't it a shame how we break each other's hearts? Cause each other pain. How we take each other's takes a lot. How do I explain what too many people can see? We're all the same, and because of all Quelle très très belle chanson par George Harrison, Isn't It a Pity sur RIG. D'être de retour. Je vais essayer de parler un peu française ce soir. Il est mignon. La même critique depuis 10 ans. Oh, mainly English. c'est au tour de John Lennon maintenant sur RG. Gonna knock you right in the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you trying to do? Laughing in the face of love. And who on earth do you think you are? A superstar? Well, all right, you are. Instant karma's gonna get you. It's gonna knock you right in the feet. You better get yourself together, darling, and join a human race. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. And who on earth do you think you are? A superstar? Well, all right, you are. Well, we all shine hard. Like the moon and the stars and the sun. Yeah, we all shine on. Everyone, come on. Yeah. All right. Instant karma's gonna get you. It's gonna knock you right off your feet. You better recognize your brother. It's everyone you meet. Why in the world are we here? Surely not to live in pain and fear. Est-ce que vous vous rendez compte que dans ce monde parallèle, il y a Ringo Starr qui est le plus vieux, qui va avoir 86 ans. Il y a John Lennon qui va avoir cette année 86 ans aussi. Le troisième, Paul McCartney, va en avoir 84. Et le plus jeune, si on peut dire, George Harrison, lui, en aura 83. C'est quand même assez fabuleux parce qu'il se donne en concert quelque chose de fabuleux. C'est pour ça qu'ils viennent seulement sur RIG et seulement à Bordeaux, parce que c'est quand même un concert qui leur prend de l'énergie, puisque nous sommes dans un concert de 2 heures qui ne s'arrête pas quasiment. Là, ils font un changement d'instrument, etc. C'est pour ça que j'ai repris la parole. Mais Paul McCartney revient et juste avant qu'il chante, je vais vous rappeler ce que nous avons fait depuis la dernière fois. Il y a eu Something, ça on l'a dit, Isn't It a Pity, Maybe I'm Amazed, Instant Karma et Photograph à l'instant. La suite, c'est tout de suite, je me tais parce que Paul va chanter. Oh, Ben on the Run sur RIG, dans la saga des femmes fortes. RIG, c'est la radio des Beatles. Inside these four walls, sense inside forever, never seeing no one nice again like you mama, you C'est amusant. On l'a passé la semaine dernière et je vous avais dit qu'en live, ça sonnait encore mieux. Bah écoutez, voici Beware My Love par Paul McCartney sur RIG. et Ringo reprend le lead. Never Without You sur RG. We were young, it was fun, and we couldn't lose. Times were right, overnight, we were headline news. Crazy days and reckless nights, limousines and bright spotlights. We were brothers through it all. And your song will play on without you. About you, every part of you was in your song. Now we will carry on. Keeps on haunting me. I can always feel you by my side. And your song will play on without you. And this world won't forget about you. The sun is about you. I know all things must pass, and only love will last. I'll always love the memory of you and me. Nous sommes en concert avec John, Paul, Ringo et George et des invités. Et je vais vous traduire ce que dit Ringo Starr. Il dit « Maintenant, je voudrais inviter quelqu'un que j'ai connu avant les Beatles et je voulais lui faire chanter une chanson dans le concert de ce soir. Il s'agit de Rory Storm et ses collègues les Hurricanes. J'étais le batteur. » Ça s'appelle « Brand New Cadillac ». Un son transformé d'époque, c'est beau ça. coming back. Yeah, I said, oh, baby, baby, baby, won't you listen to me? Come on, sugar. Come on, hear my plea. Turn that big car around. Come running back to me. Cadillac car, here we go. Yeah, yeah, yeah, you said, oh, baby, baby, baby, won't you listen to me? Come on, sugar, come on, hear my plea. Turn that big car around, come running back to me. Okay, jazz, one more time, here we go, go. Coming back. Taxi cab. You know I can be found sitting home all alone. If you can come around, at least please tell. For something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, baby. It's still you I'm thinking of. Don't stop for thinking of me. Don't make me feel this way. Here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross of a heart. Let's walk up to the preacher. Let us say I do. Then you know you'll have me. And I know. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Maybe it's still you I'm thinking of. Long time ago, when I was in New Orleans. Il y a longtemps, quand j'étais à la Nouvelle-Orléans. I met Fats Domino. J'ai rencontré Fats Domino. Et il m'a dit, je vais te dire quelque chose. J'ai dit, quoi? Il m'a dit... You made me cry. You said goodbye. Ain't that a shame? Oh, my dear, This next song coming up here that you might want to join in with, okay? See how you feel. If I were not up on the stage of an old song like you, if I were not up on the stage and Andrew Brown with me, you'd hear me, hey, hey, no, no, hey, no, hey, no, no, that's not the one I meant, no, no. No, we don't do that one. What I meant to say, what I meant to say. Hey Jude, don't make it bad. Dig a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you could start to make it better. Hey Jude, don't wait. Passage obligé du concert Hey Jude, repris par tout le monde, par vous aussi. J'en suis persuadé derrière votre poste parce que c'est une chanson qui pousse à chanter. Vraiment un très très bon, une très très belle œuvre de Paul McCartney. Je reprends le micro tout simplement pour essayer de vous rappeler tout ce qu'on a écouté ce soir. Il y a eu, je vais vous le donner dans l'ordre parce que j'ai noté Some Other Guys, The Hip Hip Shake, Roll Over Beethoven, I'm in Love Again, chanté par Paul McCartney. San Francisco Bay Blues, toujours par Paul. I Lost My Little Girl. I Want to Tell You, chanté cette fois-ci par Jeff Lynne, le premier invité. While My Guitar Gently Weeps, c'était George Harrison qui s'y collait. Il y a eu Something, chanté par Paul McCartney, d'abord au ukulélé, rejoint par Eric Clapton ensuite. George nous a fait Isn't It a Pity, puis Paul est revenu pour Maybe I'm Amazed. Maybe I'm Amazed, absolument détonnant. Quant à Lennon, il nous a proposé un Instant Karma du plus bon cru. Ringo Starr est arrivé avec Photograph, puis McCartney a repris le lead avec Ben on the Run, Beware My Love. Ringo Starr nous a chanté Never Without You et a invité Rory Storm and the Hurricanes, qui était, on va dire, son premier groupe avant les Beatles. Et il est resté derrière les fûts pour cette chanson-là qui s'appelait Brand New Cadillac. Ensuite, Ringo Starr nous a fait un très propre Don't Be Cruel. Et puis, il y a quelques minutes, il y a eu Ain't That a Shame par Paul. If I Were Not Upon the Stage, qui est une petite blague de la part de Paul, suivie d'un Hey Jude du plus bel effet. On continue le concert. Ça passe vite, hein, déjà un peu plus d'une demi-heure encore à rester avec vous. J'espère que vous êtes là et que tout se passe bien pour vous. On commente sur Facebook dans le groupe La Saga des Femmes Fortes et on remet le concert à fond. Je me souviens de ça. C'est Coming Up sur RG. You are right. Ça devait arriver, je m'en doutais. Paul, je l'ai vu, a cassé une corde de sa guitare. Alors, le temps qu'on lui change, je voudrais essayer de faire un duplex avec le studio. Est-ce que Eric est rentré dans le studio? Eric, tu es là? Ouais. Ah, Thierry. Oui. J'attendais ton appel, justement. Mais oui, voilà. Rapidement, parce que là, il va changer. Et Paul McCartney vient de casser une corde. Est-ce que tu peux nous donner ton programme pour ce soir? Mais ce soir, tu sais quoi? Mais Johnny de A à Z, l'émission, fête sa 600e émission sur RIG. Déjà 600 émissions, dont on tenait beaucoup plus. Et oui. Il fêtera ses 25 ans au mois de juin également. Oui. Et ce soir, on va revisiter les 100 dernières émissions, les moments forts de chaque émission, de certaines émissions, tout au long de ces 2 ans et demi, qui ont mené de la 500 à la 600e. Et voilà. Quand tu fêteras tes 25 ans, je te donnerai mon horaire d'émission pour que tu fasses une émission plus grande. Oh, c'est pas encore. Je vois que Paul se remet en ligne. Attends, excuse-moi. Merci. À tout à l'heure, Eric. Je te rends l'antenne. À tout à l'heure. this place tonight. Une belle invitée, Sam Brown, pour chanter Horse to the Water sur RG. On écoute toujours le concert des Fab Four à Bordeaux. Et c'est la saga des Fab Four numéro 662 sur RG. Teddy and the Heartbreakers. Sam Brown sur RG, que j'avais vu en 1995 avec les Pink Floyd. Très très belle voix. Et quelle femme. Et là c'est George Harrison avec Chill Down sur RG. Dans quelques minutes ce sera Eric, je lui repasserai la parole depuis le studio pour Johnny de A à Z. You're

just want someone to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know. À la prochaine. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas senti passer ces deux heures. Merci à toutes et à tous. Je rends l'antenne au studio, on est quasiment à l'heure, hein. C'est mieux quand je m'éloigne du studio, de la radio. Moi je rentre à la maison et Eric dans le studio va vous présenter son Johnny de A à Z comme d'habitude et ça va être très très très bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Bisous aux filles, bonne main aux garçons, c'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four numéro 662. À bientôt.